بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue le cours aujourd'hui de Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le charh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafadahullahu ta'ala. Donc on est maintenant dans le chapitre numéro 10. C'est le cours 97. Donc, on a expliqué au dernier cours que le cheikh, il a mentionné deux versets, puis après, il a mentionné deux hadiths. Donc, on était en train d'expliquer au dernier cours le début de l'explication du passage, justement, des versets que le cheikh a cités. Et puis là, on va continuer avec cette explication-là. الشيخ الزي وقال ابن كثير. Donc pour remettre en contexte, c'est l'explication du verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est-à-dire, dit au Muhammad que ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun partenaire et c'est cela qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre, le premier des musulmans. Donc, à partir de ce verset, on a expliqué au dernier cours sa signification avec les propos de Cheikh Al-Fawzan. Maintenant, on va continuer l'explication de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui cite ici les paroles de Ibn Kathir. Donc il dit: قال ابن كثير رحمه الله يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه. فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان الواجبة فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، وكما قرره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله، شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله بهذا المعنى. Donc on va commencer par expliquer ici ce qu'on vient de lire. Et le cheikh, il dit que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, dans le tafsir d'Ibn Kathir, il dit à propos de ce verset que Allah Azza wa Jal, il ordonne dans ce verset à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux mushrikines, d'informer les mushrikines qui adorent autre que Allah et qui sacrifient pour autre que Allah, que lui, il a purifié son adoration pour Allah seul. C'est-à-dire sa salat et son sacrifice. Pourquoi? Parce que les mushrikines, eux, ils adorent des idoles et ils font des sacrifices pour leurs idoles. Alors Allah Azza wa Jal lui a ordonné de contredire les mushrikines dans leur déviation, hein, et pour se séparer de ce qu'ils font et pour se tourner vers Allah seul avec toute sa sincérité, toute sa pureté d'intention et avec sa détermination pour Allah uniquement. Et ça, c'est la fin de cette explication d'Ibn Kathir. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que les cinq prières sont parmi les plus grandes obligations de l'islam après le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc les deux témoignages. Et il dit ensuite que ma salat, comme Allah Azza wa Jal, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ça dans le verset, dit ma salat, salati, et il dit que ça, ça comprend les obligatoires et les recommandés, ou les surérogatoires. Il dit toutes les salawat qu'on fait sont des adorations, et elle comprend deux types de dua, deux types d'invocations. Dua ul-mas'ala wa dua ul-ibada. Donc ça, c'est deux types de dua. Dua ul-mas'ala, c'est lorsque tu implores Allah ou tu invoques Allah pour lui demander quelque chose. Et dua ul-ibada, c'est lorsque tu invoques Allah pour le glorifier, hein, pour l'adorer. Et il dit, les deux sont, en réalité, les deux sont une sorte de les deux sont une adoration. Les deux sont une adoration, que ce soit dua ul-mas'ala ou dua ul-ibada. Mais sauf que les deux sont différents, hein, dans leur catégorie. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ici à ce sujet-là. Il dit, As-salat ishtamalat ala naw'i ad-du'a. Dua ul-ibada, wa huwa al-thana'u ala Allah, wa dua ul-mas'ala, wa huwa talabu al-hawa'ij min Allah. Fas-salatu tashtamilu ala naw'i, ala naw'in. لأنها تكبير وتسبيح وتهليل وتلاوة للقرآن وهذا توحيد العبادة ودعاء يعني رب اغفر لي واهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة وهذا دعاء مسألة وأول الفاتحة دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة فالصلاة تشتمل على نوعي الدعاء ولذلك سميت صلاة لأن الصلاة في اللغة الدعاء. Donc le cheikh il explique que, comme le cheikh Abdurrahman il l'a dit, cheikh Al-Fawzan il clarifie que la salat elle comprend donc deux types de dua, le dua d'adoration et le dua de yani de demande, de la demande. Et le dua de l'adoration, c'est quand tu fais les éloges d'Allah, hein? Donc tu mentionnes ses noms, tu mentionnes ses attributs et tu fais son éloge. Donc ça, c'est dua al-ibada. Et dua ul-mas'ala, c'est lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal les choses dont tu as besoin. Et donc la salat qu'on fait, les prières qu'on fait, les salawat qu'on fait, elles comprennent les deux types de dua, parce que elle comprend le takbir. Donc on dit Allahu Akbar, ça c'est un dua, hein, dua ibada. On dit, on fait le tasbih c'est quand tu dis Subhanallah. On dit La ilaha illallah, tahlil, et on récite dedans le Coran. Quand on fait la salat, on récite le Coran. Donc tout ça c'est des invocations qu'on fait, hein, des formes de dua, et ça rentre dans le tawhid de l'adoration. Et il dit que également parmi les doigts qu'on fait dans la salat, on dit Rabbi Gfirli, hein, oh Allah, mon Seigneur, pardonne-moi. On dit aussi Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina al-Amta alayhim. Donc on dit guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, sur qui tu as mis ta grâce. Donc tout ça jusqu'à la fin de Surat al-Fatiha, c'est une demande qu'on fait à Allah. Et le début de Surat al-Fatiha, c'est une adoration parce qu'on fait son éloge et on mentionne ses noms, hein, et ses attributs. Donc ça, c'est yani une adoration parce qu'on, disons, c'est une invocation d'adoration parce qu'on fait son éloge. Tandis qu'à la fin de la Fatiha, lorsqu'on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, yani c'est une demande. Donc la salat, elle est composé de ces deux types de dua. Et c'est pour ça qu'on l'appelle salat, parce que dans la langue arabe, le mot salat signifie dua à l'origine. Et le cheikh, il continue donc son explication. Il dit donc, de la même manière que yani, il y a dans la salat une demande à Allah, et on demande à Allah des choses, donc ça c'est l'invocation de la demande. Et il y a également de la glorification et des éloges, du tasbih, il y a le rukou, il y a le sujoud, et il y a d'autres formes d'adoration qu'on fait, et d'autres piliers, et d'autres obligations. Donc ça c'est du'a ibada, c'est de l'adoration. Et donc, yani, ça c'est la clarification qui a été donnée par rapport à l'appellation de la salat. Pourquoi on l'appelle salat? C'est parce qu'elle comprend ces deux types de du'a. Hein? Et donc, c'est le lien qu'il y a entre la signification du mot salat dans la langue arabe et dans la religion, dans la définition religieuse. C'est ça le lien entre les deux. Et ça a été clarifié par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Le Cheikh, il dit ensuite, « Wa qawluhu wa nusuki » قال الثوري والسد قول الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي يعني ذبحي وكذلك قال الضحاك قوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة وهذا قول أئمة التفسير. Donc on va lire jusqu'ici, après on va continuer. Le cheikh il explique que يعني, ensuite Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, donc dit que ma salat est mon sacrifice, nusuki. Donc, nusuk, c'est le sacrifice. Et ça, c'est expliqué par Al-Thawri, selon As-Suddi, selon Jubair, que ça veut dire dhabhi. Yani, nusuki, c'est-à-dire dhabhi, yani mon sacrifice. De même que Ad-Dahhak, un autre parmi les savants de tafsir, ont mentionné que ça veut dire le sacrifice. Il dit ensuite, wa mahyaya wa mamati. Et ma vie et ma mort. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire ce que je fais pendant ma vie et ce sur quoi je vais mourir de la foi et des bonnes œuvres, c'est pour Allah seulement, le Seigneur des mondes, hein, purement pour son visage. Et cheikh Al-Fawzan, il dit ici, وَلِذَلِكَ جَاءَ الْحَدِيثُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ يعني فتنة المحيا يعني في الحياة والعمر والممات عند الموت والخاتمة. Donc le cheikh et cheikh Al-Fawzan, il dit c'est pour ça que dans le doua qu'on fait à la fin de la salat, on cherche la protection d'Allah contre quatre choses et on mentionne yani la fitna de la vie et de la mort. La fitna de la mort yani c'est la fitna de la vie, c'est qu'est-ce qu'on a pendant notre vie comme épreuve. Tandis que la fitna de la mort, c'est au moment de la mort et de la conclusion de notre existence sur terre. La sharika lahu wa bidhalika umirt. Et il n'a pas de partenaire dans cela. Et c'est cela qui m'a été ordonné. Et je suis le premier des musulmans, c'est-à-dire parmi cette umma, parmi la umma de l'islam. Et ça, c'est la parole des imams de tafsir. فأول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le premier musulman dans cette umma, c'est Muhammad, c'est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Ensuite, le cheikh il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue, il dit, والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. Donc le cheikh Abd al-Rahman, rahimahullah, il dit que qu'est-ce qu'on a voulu expliquer par ce verset, hein, c'est yani, d'établir que les actions et les paroles, hein, les paroles du serviteur ainsi que ses actions, qu'elles soient apparentes ou cachées, qu'elles soient extérieures ou intérieures, il n'est pas permis au serviteur d'en offrir à quiconque autre que Allah. Peu importe hein, qui ou qu'est-ce que ça peut être. Et donc, quiconque a offert une forme quelconque d'adoration à autre que à Allah, alors il est tombé dans ce qui a été nié par Allah Azza wa Jal dans ce verset comme shirk. Hein? Puisque Allah Azza wa Jal, il dit « وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » lorsqu'il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Et je ne suis pas du nombre des mushrikines. » Je ne suis pas du nombre de ceux qui font le shirk avec Allah. Et le Coran en entier est venu pour justement confirmer cet aspect du tawhid dans l'adoration et de le clarifier, hein, pour le clarifier et pour nier le shirk et pour qu'on se désavoue du shirk dans, sous toutes ses formes. Naam. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, « Al-ibadat al-zahira, مثل salat والصيام والحج » أما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب الخوف والرهبة والخشية والرجاء والتوكل وغيرها. Donc il dit les adorations qui sont apparentes comme la salat, le jeûne, hein, le hajj, même si le jeûne c'est pas nécessairement apparent comme la salat, parce que quand quelqu'un jeûne on peut pas nécessairement le voir, d'accord, mais disons que ça fait partie des adorations apparentes, puisque yani, d'une certaine façon, quand c'est le ramadan, on sait que tout le monde jeûne, hein, et que tout le monde brise le jeûne ensemble. Donc d'une certaine façon, c'est une adoration apparente. Et le hajj, ça c'est clair que c'est une adoration apparente. Et il y en a beaucoup d'autres également. Et la zakat aussi, et ainsi de suite. De même que les adorations cachées ou intérieures sont les actes du cœur, comme la crainte, l'espoir, l'amour d'Allah, le fait de mettre la confiance en Allah et d'autres également. Toutes ces adorations sont intérieures. Ensuite, le cheikh, il explique, cheikh Abd al-Rahman, il cite maintenant le deuxième verset que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné, et c'est le verset 2 dans Surat Al-Kawthar, « Fasalli li rabbika wanhar » et donc fais la salat pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Donc maintenant on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan en premier, et après on va continuer avec les clarifications de Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan sur ce verset-là. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit « هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المصنف » وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر هذه مثل الآية التي في سورة الأنعام يعني قرن النحر مع الصلاة فصل لربك يعني لا تصلي لغيره وانحر أي اذبح له ولا تنحر لغيره والنحر في الغالب يكون للإبل ها يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم وما أشبه وما شابهها فكل من الذبح والنحر يكون لله عز وجل يتعبد به لله عز وجل فمن ذبح أو نحر لغير الله فقد أشرك سواء ذبح للأشجار أو الأحجار كما يذبحون للات والعزى ومنات أو يعني ذبح للقبور والأضرحة يعني وكما يذبحون لله وغيره أو يعني ذبح للجن لاتقاء شرهم أو من باب التداوي لأن بعض المشعوذين يأمرون المرضى بأن يذبحوا للجن فيطيعونهم فيذبحون لغير الله فالذبح على سبيل التعبد والتقرب لا يكون إلا لله فالله جل وعلا قد حرم الذبح لغيره ومن ذلك النحر يعني فعد من المحرمات من بهيمة الأنعام وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح باسم صنم أو باسم الصنم أو باسم البقر عفوا أو باسم القبر أو باسم الولي أو باسم الجن. فقوله وما أهل به، أي يعني نودي به عند الذبح لغير الله به، كأن يقول باسم المسيح أو باسم السيد فلان، فهذا أهل به لغير الله فهو حرام، وهذا شر من الميتة التي وهذا شر من الميتة لأنه ذبيحة الشرك. وكذلك ما سمي عليه اسم الله ولكن القصد منه غير الله، كأن يقول اسم الله على الذبيحة وهو يقصد أنها للقبر أو للولي أو للجن حتى ولو ذكر اسم الله عليها، لأن العبرة في القصد وما في القلب. فما أهل به لغير الله يشمل النوعين، يشمل ما ذكر عليه اسم الله يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله، ويشمل ما قصد به غير الله عز وجل. ولو سمي عليه اسم الله إن فإنه يكون محرما ويكون من الشرك الأكبر، والغالب أن الذي يذبح لغير الله لا يذكر عليه اسم الله، ولذلك يوصي المشعوذون المرضى أن لا يسموا على الذبيحة، أي لا يقولوا بسم الله. الله المستعان. أوكي. On va traduire ça. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici que le deuxième verset que le Cheikh a mentionné comme preuve dans ce chapitre, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité ce verset qui est le verset 2 dans Surat Al-Kawthar, Fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire fais la salat pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Fasalli li rabbika wanhar. Donc ça c'est la même chose que qu'est-ce qui est dans le verset de Surat Al-An'am qu'on a lu avant. Et il dit que il a mentionné ici le sacrifice en association avec la salat. Parce qu'il a dit Fasalli li rabbika wanhar. Fais la salat pour ton Seigneur et fais ton sacrifice. Donc de la même manière que tu ne fais pas la salat pour autre que Allah, et donc tu ne fais pas ton sacrifice pour autre que Allah. Donc ça veut dire que le sacrifice, il est pour Allah seul. Et on n'a pas le droit de sacrifier pour autre que Allah. Et le terme an-nahr, wanhar, c'est le verbe impératif, wanhar, et sinon le nom, an-nahr, c'est le nom qui découle de ce verbe-là, d'accord? Donc on dit an-nahr. Et en réalité, en général, on utilise un nahar pour une expression spécifique. Parce qu'il y a plusieurs termes en arabe qui sont employés pour le fait d'égorger. D'accord? Et un nahar, c'est utilisé en particulier pour le chameau. Ça, c'est un terme qui est spécifique au chameau parce que la façon d'égorger le chameau, elle est particulière. Avec le couteau. Et la façon de l'égorger, ce n'est pas la même façon que pour la vache ou le mouton. Le chameau, c'est différent. Donc, pour le chameau, on l'appelle un nahar. D'accord? Mais pour la vache et pour le mouton, on dit al-dhabh. Al-dhabh. D'accord? Et il dit donc que ce soit le dhabh ou un nahar, les deux, il faut que ce soit fait pour Allah seul et par adoration pour Allah. Donc celui qui a fait al-dhabh ou qui a fait al-nahr pour autre que Allah, il a fait le shirk. Donc peu importe qu'il ait sacrifié pour les arbres ou pour les pierres, ou comme par exemple quand ils faisaient les mushrikoun à l'époque pour leurs idoles qui étaient des arbres et des pierres à l'origine, al-lat, al-uzza, Manat et d'autres également. Donc, il faisait des sacrifices pour ces idoles-là. Et c'est la même chose aussi pour celui qui fait des sacrifices aujourd'hui, même s'il se dit musulman, mais parfois il y a des musulmans ou des gens qui se disent musulmans qui font des sacrifices pour des tombes, pour des tombeaux, pour des morts, pour des awliyas. Ils pensent que ça peut les aider. Il y en a qui font des sacrifices pour d'autres choses également. Il y en a qui font des sacrifices même pour des djinns, pour se préserver de leur mal. Ils pensent que, par exemple, s'ils font le sacrifice pour le djinn va être satisfait de lui, va pas lui faire du tort. Et j'ai entendu souvent des exemples de gens qui, dans certains pays musulmans, avant de construire quelque part une maison ou un bâtiment, ils vont faire un sacrifice au djinn pour chercher la protection des djinns ou pour c'est comme pour que les djinns leur fassent pas de tort, soi-disant. Ou bien avant d'habiter dans leur maison, ils vont sacrifier un mouton sur le devant de la maison pour que les djinns leur fassent pas de tort, hein, ou des choses comme ça. Ça, c'est du shirk clair. Naam. Aussi, parfois, qu'est-ce qu'ils font les sorciers, hein, les sorciers et les charlatans, yani. Ils le font soi-disant sous prétexte de vouloir chercher un remède ou une guérison pour une personne. Donc quand tu vas aller chez ces gens-là, chez ces sorciers, ils vont te dire de sacrifier par exemple tel ou tel animal. Hein? J'avais lu ça une fois dans une histoire, dans un livre que j'avais acheté. Écrit par une ethnologue, je pense c'était en Hollande. Elle avait fait une recherche ethnologique, une étude ethnologique. Elle a vécu 2 ou 3 ans au Maroc. Elle a vécu parmi des gens dans des villages pour étudier leurs coutumes et leurs traditions et leurs pratiques. Et parmi les exemples de qu'est-ce qu'elle a rapporté dans ce livre-là, l'histoire d'une femme justement qui était allée voir des gens de ces... Parce qu'il y a des groupes, des sectes, des toruq, comme on appelle, des groupes qu'on appelle Al-Isawiyya, on appelle aussi Gnawa, et d'autres groupes comme ça. Et ces gens-là, ils font du sihr, d'accord? Et eux, ils prétendent qu'ils font, ils prétendent qu'ils font des sortes de guérisons, des choses comme ça, mais en réalité, c'est de la sorcellerie, c'est du sihr. Et ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que font les vaudouisants en Haïti, c'est presque pareil. Si tu regardes ces pratiques et les pratiques des vaudouisants, tu vois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire à la personne. Selon, par exemple, un rêve qu'elle a eu ou quelque chose comme ça, ils vont lui dire, bon, t'as vu tel rêve, t'as vu telle couleur, t'as vu telle chose, donc ça représente tel djinn ou telle chose. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire, pour tel djinn, il faut égorger tel animal. Pour tel autre djinn, il faut égorger tel animal. Et ainsi de suite. Et là, ils vont lui faire égorger ça pour le djinn. Hein? Allah al-Musta'an. Et donc ça, c'est pour dire qu'ils demandent à la personne malade de faire un sacrifice pour le djinn. Et eux, ils sacrifient pour le djinn. Et l'exemple de qu'est-ce que j'avais lu dans le livre par rapport à ça, c'était une femme qui, elle était amoureuse d'un homme. Cet homme ne voulait pas se marier avec elle. Puis elle voulait que finalement, lui, il accepte de la marier ou je ne sais pas quoi. Donc, il est allé voir les sorciers comme ça pour lui faire ce genre de cérémonie pour qu'elle puisse pouvoir, soi-disant, se marier avec cet homme. Aouzoubillah. Donc, tu vois l'égarement et l'ignorance des gens parfois. Jusqu'où ils vont pour faire ça. Et ils ne réalisent pas qu'en faisant ça, ils font un grand shirk et que s'ils meurent sur ça, ils vont en enfer pour l'éternité. Donc, tout ça pour pouvoir se marier avec un homme. يعني كلا كوني دون الحرام على كل حال يعني نسأل الله العافية كالله نو بريزيرف مي سا سي جوست بور دير كو لي جان سوفان ils sont dans un quand ils sont dans l'éloignement d'Allah et dans l'ignorance ils sont dans des tourbillons hein? C'est des cercles vicieux et des tourbillons d'égarements, et c'est des égarements superposés les uns sur les autres, et des ténèbres à l'intérieur de ténèbres à l'intérieur de ténèbres. Donc ça devient très très difficile pour ces gens-là de voir de la lumière, hein? Excepté si Allah leur fait la miséricorde et décide de les guider, mais sinon, hein, Allah al-Musta'an. C'est des situations de gens qui vivent dans des égarements vraiment profonds, hein. Donc ça c'est des exemples. Et donc le cheikh il explique ensuite, il dit que celui donc qui fait un sacrifice dans le but d'adorer ou dans le but de se rapprocher, ça doit être que pour Allah. Et il dit parce que Allah Azzawajal a interdit de faire un sacrifice pour autre que lui. Et il dit ومن ذلك يعني النحر. Et parmi les exemples de ça, النحر. Yani de faire un sacrifice des animaux, d'un animal quelconque pour autre que Allah, ça c'est du shirk. Il dit فعد من المحرمات من بهيمة الأنعام. Donc il dit celui qui a fait un sacrifice d'un animal pour autre que Allah, alors cet animal-là, elle n'est pas halal. Cet animal-là, il ne va pas être halal à manger. Pourquoi? Parce que il fait partie des animaux qui ont été immolés pour autre que Allah. Et si un animal a été égorgé pour un idole, ou pour un nom d'une tombe, ou pour le nom d'un wali, ou pour le nom d'un djinn, alors ça, c'est exactement ce que Allah Azzawajal, il dit dans le verset, ce qui a été immolé pour autre que Allah. Hein? Donc on a appelé autre que Allah au moment de l'égorgement. Donc ça veut dire que ça a été fait pour autre que Allah. Hein? Donc il va dire, soit par exemple si c'est un chrétien, il va dire au nom de Jésus. Hein? Ou bien si c'est quelqu'un d'autre, un soufi, il va dire au nom de tel wali ou de tel sayyid. Ou bien il va yani faire immoler l'animal ou sacrifier l'animal pour autre qu'Allah. Et tout ça, c'est haram. Et la viande elle-même, elle est haram. T'as pas le droit de la manger. Donc ça, c'est yani plus grave même que de manger la viande morte. Oui, manger la viande qui a été égorgée pour autre qu'Allah, hein, c'est plus grave que manger la viande qui est morte. C'est-à-dire, tu l'as trouvée déjà morte. Soit elle a été blessée, ou soit elle a été mangée par un autre animal, ou soit elle est tombée, soit elle s'est tuée d'une autre, elle est morte d'une autre façon que par l'égorgement. Cet animal, on l'appelle al-meita, c'est-à-dire un animal qui est mort. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas égorgé, il est mort soit de mort naturelle, ou soit qu'il a été tué par quelque chose, ou par un autre animal. On n'a pas le droit de le manger. Mais celui qui a été égorgé pour autre que Allah, celui-là, c'est pire encore. C'est plus grave que ça. Et il dit donc, des fois également, il se peut que la personne, elle égorge pour autre que Allah en mentionnant le nom d'Allah dessus. C'est-à-dire, elle mentionne le nom d'Allah, mais elle le fait pour la tombe, ou pour le wali, ou pour le djinn. Donc, dans ce cas-là, le fait de mentionner le nom d'Allah, c'est juste symbolique, ça n'a pas de valeur, parce qu'ils les égorgent pas pour Allah, ils les égorgent pour autre que Allah. Et donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là aussi, c'est haram, et c'est du shirk. Hein? Il dit, parce que ce qui est considéré, ou ce qu'on prend en considération, c'est l'intention qui est dans le cœur de la personne qui égorge, et non pas seulement le fait de mentionner le nom d'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, donc l'animal qui a été égorgé pour autre que Allah, ça comprend donc deux types. Celle sur laquelle on a mentionné le nom d'autre que Allah, et celle sur laquelle on a eu l'intention d'égorger pour autre que Allah, même si on a mentionné le nom d'Allah dessus. Donc dans ce cas-là, ça va être haram de le manger, et ça va être du shirk majeur. Hein? Il dit parce que la majorité des gens qui égorgent pour autre que Allah, ils ne mentionnent pas le nom d'Allah de toute façon. Et c'est pour ça que les charlatans, les magiciens, les sorciers, lorsqu'ils conseillent aux malades qui viennent les consulter ou qui viennent leur demander, quand ils leur demandent de sacrifier, ils leur disent ne dis pas le nom d'Allah. Hein, ils leur mentionnent de ne pas mentionner le nom d'Allah. Donc le cheikh il dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أَيْ اِذْبَحْ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَعْطَى نَبِيَّهُ الْكَوْثَرْ وَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَقِيلَ الْكَوْثَرْ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ وَمِنْهُ النَّهْرُ أَيْضًا يعني أمره بالشكر فقال فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ يعني شكرا لله على ما أعطاه من الكوثر إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك أيها النبي هو الأبتر يعني مقطوع الصلة يعني مقطوع الذكر وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا رجل أبتر ليس لديه ذرية ذرية ذكور فإذا مات سينقطع ذكره فرد الله عز وجل عليهم بقوله إن شانئك هو الأبتر فالذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون أبتر مقطوع الذكر لا يذكر ولا يذكر إلا بالذم واللعن من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم ذكر ولا لسان صدق في العالمين ولا يذكرون إلا بالذم والتنقص والشاهد من الآية مثل الآية التي قبلها أن الذبح عبادة لأن الله قرنه بالصلاة وأمر بأن يذبح وينحر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc que Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, dans Surat Al-Kawthar, donc sacrifie pour Allah seulement. Hein? Et ça c'est parce que Allah Azza wa Jal a donné à son prophète Al-Kawthar. Certains savants ont dit que Al-Kawthar c'est une rivière dans le paradis. Et d'autres ont expliqué que Al-Kawthar c'était un grand bien. Et parmi ces biens, cette rivière qui est dans le paradis. Et il lui a ordonné de faire preuve de reconnaissance du fait qu'il lui ait donné cela. Donc il lui a dit, fais la salat pour ton Seigneur et sacrifie pour lui en remerciement pour Allah de ce qu'il t'a donné. Al-Kawthar. Hein? Et il dit ensuite, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ شَانِئَكَ يعني celui qui te déteste. Celui qui te déteste هُوَ الْأَبْتَرُ يعني celui qui va être coupé. Il n'aura pas de يعني il n'aura pas de mention, il n'aura pas de rappel, il n'aura pas de يعني de lien ou de progéniture يعني va être coupé. Et yani son rappel sera coupé, c'est-à-dire personne ne va le mentionner en bien après lui. Parce que yani les mushrikoun, les kuffar, ils disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était abtar parce qu'il n'avait pas d'enfant, de garçon pour rester après lui, qui allait propager son nom après lui ou qui allait être sa descendance. Puisqu'il a... en fait, il a eu des garçons, mais ils sont tous morts quand ils étaient enfants. Naam, Ibrahim et je pense qu'il a eu Qasim aussi. Allahu alam. Donc les deux sont décédés quand ils étaient bébés, quand ils étaient petits, quand ils étaient enfants. C'est seulement les filles qui ont vécu, comme Fatima, Kulthum, Ruqayya, et il y en a une autre aussi, je ne me rappelle plus. Safiya, je crois. Yani. Naam. Donc, les garçons n'ont pas survécu. Mais Allah Azzawajal, il a répondu à ceux qui disaient ça en disant Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est-à-dire, celui qui déteste le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va être coupé dans, sa, dans son rappel. C'est-à-dire que plus personne va parler de lui après, excepté pour le blâmer et pour le maudire, parmi les ennemis du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le rappel du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il continue jusqu'à la fin des temps. Et il est mentionné en bien hein, par tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Et le cheikh, il dit, donc, les salahum dhikrun, donc les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais eu de rappel par la suite et personne n'a mentionné hein, du bien d'eux. Ils ne sont mentionnés que pour les blâmer et les rabaisser. Et c'est ça le point qu'on essaie de tirer de ce verset justement et du verset précédent aussi. Et il dit, inna dhabh, donc le fait que le sacrifice, c'est une adoration qu'on fait pour Allah seul. Hein? Et Cheikh il dit ensuite, وَلِيَنَّ اللَّهَ قَرَنَهُ بِالصَّلَاةِ parce que Allah Azza wa Jal il l'a mentionné en relation avec la salat. Hein? Il dit وَأَمَرَ بِأَنْ يُثْبَحْ وَيُنْحَرْ لَهُ il a ordonné qu'on fasse le sacrifice pour Allah seul et qu'on ne sacrifie pour personne d'autre que lui. Donc tout ça, ça clarifie ce point-là. Et donc c'est vraiment important de comprendre tout ça. Après, le cheikh, il dit, « قال شيخ الإسلام » Donc ça, c'est le cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il cite maintenant les paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit, « قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى وإلى عدته أو عدته عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاته ونسكي الآية انتهى كلامه نعم وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به Donc ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il cite cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à propos de ce verset-là. Il dit que Allah Azza wa Jal a réuni donc dans ce verset ces deux grandes adorations, la salat et le sacrifice, qui prouvent que ces adorations-là sont un rapprochement d'Allah et une forme d'humilité. Et yani de iftiqar. Iftiqar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'Allah et que tu montres à Allah que tu es pauvre vis-à-vis de lui, que tu as un grand besoin de lui, que tu ne peux pas te passer de lui. Et également de la bonne pensée à propos d'Allah. Hein? Tu penses du bien de lui et tu as une force de certitude et de conviction et une tranquillité du cœur vis-à-vis d'Allah, et yani de sa promesse. Le contraire de ceux qui sont parmi les gens de l'orgueil, et qui fuient de la vérité, et les gens qui se pensent suffisants à eux-mêmes, et qui pensent ne pas avoir besoin d'Allah, et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire la salat à leur Seigneur, ou de sacrifier, hein, ils ne veulent pas sacrifier, de faire de sacrifice à Allah par crainte de devenir pauvre. Hein. Et donc, Allah Azza wa Jal a réuni ces deux adorations-là dans le verset. « Qul inna salati wa nusuki »« Ma salat et mon sacrifice hein, » Fin de la citation. Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Il dit As-salat ibadatun badaniyatun fayadkhul fiha kullu al-ibadat al-badaniyah. Wa an-nusuk ibadatun maliyah fayadkhul fiha kullu al-ibadat al-maliyah. Wa kulluha lillahi 'azza wa jal. Donc il dit la salat c'est une adoration physique et toutes les adorations physiques entrent dedans. Et la an-nusuk, hein, le sacrifice, c'est une adoration avec l'argent, yani une adoration relié à l'argent. Et donc toutes les adorations économiques, elles rentrent dedans. Et elles doivent toutes être pour Allah seul. Il dit Imma annahum la yathbahuna khawfan min al-faqr, wa imma annahum yathbahun lakin li ghayrillah, wa hadha shirk. Il dit soit qu'ils ne font pas de sacrifice par crainte de la pauvreté, hein, parce qu'ils se disent ah, si on sacrifie. C'est-à-dire, faut donner la viande en sadaqa ou des choses comme ça. Ça veut dire on devient pauvre, on va perdre notre argent. Ou bien ils font des sacrifices, mais ils le font pour autre que Allah, et ça c'est du shirk. Donc ils sont soit entre l'avarice et le shirk. Allah musta'an. Et le cheikh ensuite il a cité un autre verset qui est le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jal il clarifie, il dit a été interdit pour vous l'animal qui est mort, hein, sans que vous l'ayez tué, le sang, la chair du porc, la viande de porc, et ce qui a été égorgé pour autre que Allah. Et le cheikh, il dit, le témoin, qu'est-ce qu'on veut mentionner, la preuve dans ce verset, c'est la partie où Allah Azza wa Jal mentionne ce qui a été égorgé pour autre que Allah. Et c'est-à-dire, il dit, يعني ذبح لغير الله سواء باللفظ أو بالنية والقصد. Donc, ce qui a été égorgé pour autre que Allah, peu importe que ce soit par l'expression ou la parole ou par l'intention. Donc si ça a été égorgé pour autre que Allah, donc ça c'est du shirk. Non, donc je pense que nous ici on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continue bi'idhnillah la semaine prochaine la suite de cette explication là. Donc aujourd'hui exceptionnellement on a fait après l'Isha parce que aujourd'hui, j'ai pas pu le faire avant, après le Dhuhr, mais en général, on reprendra l'horaire habituel pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.